Bonjour, mercredi 6 octobre. Ça durera peut-être pas longtemps, je dirais peut-être 25 minutes, au pire 45 minutes. Bon, par rapport là, à ce qui se passe en ce moment, vous voyez, là, il y a une campagne dans les médias, une belle campagne, comme pour faire passer pour sectaire toute personne qui n'est pas d'accord et on va jeter l'opprobre avec ce fameux terme. Des complotistes et puis là, des témoignages de dames surtout, j'ai pas vu d'hommes à date, qui vont nous expliquer un peu comme si c'était des rescapés de sectes. Et puis là, avec tout ce qui va de. Mais ça par rapport. Bonjour. Mais ça par rapport à. Comme j'avais dit, c'est que ça va être de plus en plus associé à du sectaire. J'ai vu aussi une chronique dans le Journal de Montréal où il y avait une dame qui disait, il va falloir, je me rappelle plus de son nom, c'est une chroniqueuse pas très importante, entre guillemets, bonjour, qui disait, va falloir qualifier ces gens-là pour les traiter pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des fanatiques religieux. Donc, ces mêmes gens-là qui ont diffusé il y a quelques années, vous savez, là, par rapport, il faut pas faire d'amalgame, et puis ces chantres-là de la laïcité, eh bien maintenant, comme j'avais prévu, de plus en plus, la dissidence, toute dissidence va être associée à du sectaire et à du religieux parce que ces gens-là ont une convergence d'intérêts. Bonjour, Marie-Jeanne. Par rapport, c'est ça. Bonsoir. Donc, vous êtes en France. Oui, il est à peu près 6 heures de l'après-midi en France. Mais je pense que ces gens-là sortent plus tard que nous. Bien, ils dînent plus tard que nous. C'est qu'au Québec, on a gardé les vieux termes de déjeuner, dîner, souper, alors qu'en France, à partir du 18e siècle, il y a eu un changement des termes. C'est intéressant par rapport aussi au Québec, il n'y a pas eu la mode du 18e siècle d'avoir des petits lits là où les gens dormaient assis dans des coussins. On a gardé les grands lits allongés. Et je ne sais pas, peut-être que c'est. Oui, 18 heures chez vous. Ben oui, c'est l'heure du souper, ben du dîner. C'est drôle, je ne sais pas, vous, le souper, c'est devenu quoi? Je pense qu'un souper pour vous, c'est genre, il y a des invités, puis c'est très tard, et puis c'est un événement, si on peut dire, là où des gens sont invités. C'est ça qui est devenu un souper. J'avais vu un film sur Charles-Maurice Talleyrand de Périgord qui s'appelait Le souper, où on montrait, là, un peu, si on peut dire. Je pense que c'est par rapport à un politique, là, des gens qui complotent ensemble, des gens de pouvoir qui complotent ensemble. C'est drôle, hein? Ces choses-là, ça n'existe que dans le passé. Au niveau de ce qu'on nous montre. Je vais remettre mes lunettes parce que je ne peux plus vous lire. Donc, par rapport là, à ce que je parlais, l'espèce de campagne de dénigrement agressif qu'on a, pardon, j'ai éloigné un peu mon micro. C'est surtout les journaux de Québécois. On dirait que Radio-Canada, ils ont peur un peu, ils se gardent une petite gêne. Jusqu'au Saguenay. Bonjour, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup de gens qui pensent des fois que je suis au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis plus dans le nord que ça, pas mal. Et bon, par rapport à ce qui se passe cette semaine, je n'ai pas trop suivi là, en France ce qui se passe. J'avoue, je n'ai pas regardé beaucoup. Il y a M. Tapie qui est décédé. Quelle grande perte. Je vais essayer de rester gentil, là. Il faut pas être irrespectueux envers les défunts. Mais moi, j'ai tendance à l'être beaucoup. Mais ça dépend du défunt. Quand quelqu'un est bien, puis tout, ben moi, le summum du respect, c'est je n'en parle pas. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des grandes pertes des fois, mais lui, M. Tapie, je pense que c'était quelqu'un de bien, mais que jusqu'à un certain point, il a subi de l'influence. Il y a eu des influences au niveau de son entourage, puis que finalement, ben là, ça finit que. Ah oui, il y a les Pandora Papers ces temps-ci, c'est-à-dire que. Il sort encore des gens par rapport à l'évasion fiscale. Et puis, mais le fait est que c'est en toute légalité. De la Réunion, c'est loin ça. Ben, je suis toujours surpris de voir la technologie, à quel point c'est. Est-ce qu'il y en a qui auraient quelque chose à te dire? Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'elle avait rêvé à moi, puis j'avoue que j'ai failli ouvrir une boîte courriel juste pour qu'on me raconte le rêve.

Là, je ne veux pas partir de rumeur, je vous dis ça de mémoire. Rémi de Réservoir. Apps, il vient de faire un live sur Drive. Il a parlé d'Eggy Boulian et son livre sur la situation mondiale, les nourritures réserves. Je ne sais pas c'est qui ce monsieur-là, mais je pense que c'est possible ce qu'on a vu là en Australie. Ici au Québec, on a eu des syndicats par rapport à la viande, entre autres, là, Holymel et puis d'autres. Il y a eu, je pense que les syndicats sont corrompus et ils font exprès pour que de la viande soit abattue et détruite. Pourquoi? Pour faire monter les prix. Faire monter les prix de la viande. Ben, ça, c'est mon opinion. Quel est pour toi le sentiment le plus dangereux que peut ressentir un homme? La peur. La peur. C'est à mes yeux le sentiment le plus dangereux. La crainte, non. La crainte, c'est de la peur réfléchie, c'est-à-dire qu'il y a une intellectualisation de la peur. La crainte, c'est ça qui va engendrer des crises d'angoisse, par exemple, la crainte ou de la paranoïa. Il faut qu'il y ait une réflexion de la peur pour qu'il y ait de la crainte, mais de la crainte, c'est de la peur réfléchie. Rémi de Apps, il fait tous les jours des lives, c'est intéressant. Ah, je ne connais pas du tout. Je ne suis pas tout le temps sur YouTube, là, au contraire. La plupart du temps, là, je suis quand je suis sur Internet, je suis sur Google à regarder les cours, les cours de l'art, entre autres. Ben, c'est ça, moi, mon problème, là. Je suis un petit peu dépendant de ce gros casino-là. C'est ça que je suis le plus. Bonsoir. Ben, bonsoir aux gens qui sont en Europe. En Europe. Ici, c'est un peu. C'est étrange, hein, le Québec, parce qu'il y a la vibration de l'Amérique, puis, si je puis dire, un esprit européen. C'est très étrange, on est des bâtards un peu. Pourtant, la crainte, c'est un bon moteur pour faire bouger les choses. Oui, c'est pour ça que, au niveau de la politique, puis de la manipulation de masse, on se sort des craintes de la masse. Ça dépend ce que vous faites avec. Mais c'est la crainte non justifiée qui est dangereuse. De la Suisse. La Suisse, je pense que c'est probablement dans des coins les rares coins que j'aimerais aller visiter. J'ai toujours voulu aller faire un petit tour en Suisse, mais je pense pas que ça arrive. Je pense pas que j'ai la joie de sortir du continent américain. En tout cas, mais par rapport à la crainte est mauvaise conseillère. La crainte, oui, ça peut faire bouger les choses, mais ça vient pallier une information. Si vous agissez parce que vous savez quelque chose, il n'y aura pas de crainte si c'est un savoir qui est solide. C'est-à-dire, vous allez devenir stratégique, mais agir par crainte, plus souvent qu'autrement, ça aboutit pas toujours à des résultats. D'ailleurs, quand il y a eu la pandémie, puis qu'il y a eu un mini crash, j'ai eu de la crainte, puis j'ai vendu beaucoup de choses que si je les avais gardées, je serais très en moyen maintenant. Donc, ceux qui connaissent là, pour les crypto-monnaies, le Bitfarms, là, Bitfarms, j'en avais beaucoup. J'en avais beaucoup. J'ai un petit peu honte d'avouer ça. J'ai eu de la crainte, puis j'ai fait un mauvais mouvement, pas juste avec Bitfarms, là. Avec d'autres choses que j'avais, que par après, ça a. Je suis très en deuil du portefeuille que j'avais. Mais bon. Est-ce que vous avez des chaînes YouTube à nous proposer? C'est étrange parce que moi, je considère que c'est l'information qui ne fait pas notre affaire qui est importante. Puis, les chaînes YouTube que je proposerais, c'est souvent des chaînes avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Puis, genre, j'écoute pas grand monde, j'écoute pas beaucoup de monde. Comme par exemple, souvent je vais aller voir, c'est pour voir ce que dit l'autre, moi, que j'écoute des chaînes, je m'informe pas vraiment par les autres chaînes. C'est sûr que des fois, ça donne des éléments qu'on peut vérifier après. Mais j'écoute pas grand-chose finalement. Souvent, je vais écouter Pitre, là, le studio, mais c'est sur son site à lui. Il n'y a plus de chaîne YouTube. Lui, il a été évincé de YouTube. Il y a des gens qui m'avaient parlé d'une chaîne sur Odyssée, ben, qui a des vidéos de moi, mais ce n'est pas moi qui la tiens.

Mais moi, je le considérais comme un peu écervelé des fois. Puis je lui disais, puis il me traitait de vieux. Ma mère, qui a plus de 70 ans, elle me traite des fois de vieux pas d'allure. Faut dire, ben, peut-être que oui, j'ai un petit vieux en moi. Idem, pour moi, j'étais chanteuse classique et pianiste et je n'écoute plus de musique depuis plus de 30 ans. Ah oui, ben, c'est dommage, ça, j'ai tout le temps voulu écrire pour une cantatrice. Bon, en tout cas, mais de toute façon, je pense que je serais plus capable. Mais oui, à un moment donné, j'ai 800 ans fatigué d'être là. Il y a de quoi. La musique est 40 MHz, c'est là. Pourquoi on n'est plus capable d'en écouter? Ouais, ben, peut-être qu'il y a eu un changement au niveau de ce qui la diffuse, puis que c'est très subtil dans le sens que c'est par rapport à la technologie qui a changé. La musique à l'épicerie, c'est pour me donner une impression de normalité. Ben, il y en avait avant. Moi, je considère que je suis né dans une société totalement dysfonctionnel, mais il y avait de la musique dans les épiceries bien avant leur pandémie, là, puis tout ce théâtre-là. Mais un sentiment de normalité, je sais pas. Ce que j'ai le souvenir quand j'étais plus jeune, là, il y avait des réelles épiceries, là, c'est-à-dire des épiciers indépendants qui avaient des petits commerces à eux, puis il n'y avait pas de musique. Puis pourtant, le sentiment de ce que je m'en souviens, là, l'ambiance était beaucoup plus intéressant. C'était beaucoup plus. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de petites fruiteries ou des choses comme ça. Ben, moins dans les grands centres, des fois, il y en a, là. Mais des fois, avant, j'allais dans le quartier chinois à Montréal, là, au moins une fois aux 5 ans, là, parce qu'il y a des fruits qu'il n'y a pas ici dans les épiceries. Il y a des produits qu'il n'y a pas ici dans les épiceries. Ceux qui, s'il y a des gens du Maghreb, là, moi j'aime beaucoup les jujubes, vous savez, les fruits, là, le petit fruit rouge, puis c'est pas trouvable ici dans les épiceries, ça me met tellement en colère. C'est dans mes petits fruits préférés. Penses-tu que notre futur est déjà fait? Car je me suis vu pendant quelques minutes dans un corps différent avec un paysage technologique. Bon, mais ça peut être, si on peut dire, des formes oniriques mais éveillées, mais je sais que le temps est une illusion parce que j'ai expérimenté avec ça. À un moment donné, j'ai réussi à savoir exactement quand l'électricité allait revenir chez moi. Il n'y avait plus d'électricité, puis j'en ai profité pour faire une expérience. Je me suis couché sur mon divan, puis je me suis mis dans un état. J'avais une habilité plus à me mettre dans des états seconds, puis je cherchais le moment dans le futur où l'électricité allait revenir. Puis je me suis vu en train d'ouvrir mon frigidaire pour prendre du lait dans mon frigidaire, puis dans la vision que j'avais, l'électricité revenait pendant que je faisais ça parce que j'ai vu la lumière du réfrigérateur s'allumer dans la vision. Puis plus tard dans la journée, j'ai continué à faire mes choses comme d'habitude. Puis à un moment donné, sans y penser, j'ai voulu aller me chercher du lait, j'ai ouvert la porte, puis la lumière s'est allumée, puis j'avais vu dans le futur. Donc le temps est une illusion. Il y a quelque chose, c'est nous qui sommes dans un espace-temps précis, mais nous sommes restreints, ça j'en suis persuadé. Qu'est-ce que vous pensez de graffiti de rue? Ben moi, je vois plus là-dedans des rites tribaux. C'est lié, je sais pas s'il y en a qui ont vu les études psychologiques faites sur les gangs d'adolescents, puis les rituels liés à ces groupes-là. C'est un peu comme des chiens. Si vous les laissez dans la rue à eux-mêmes, ils vont former des meutes. C'est pareil pour des micro-sociétés de jeunes. Aussi, c'est des micro-cultures, dans le fond, tout ce qui est proche de la petite criminalité de rue. Moi, pour moi, les graffitis de rue, c'est des rituels tribaux. Ça vient, à mes yeux, il y a quelque chose de tribal là-dedans. C'est lié à des rituels d'être laissés à eux-mêmes, qui ont besoin de mettre l'énergie dans des formes au niveau de se recréer des sociétés. Alors que l'idéal, c'est pas pour rien. Oui, il y a sûrement des raisons. Au niveau, là, de la façon dont on diffuse la musique. Mais c'est des études, ils ont tout le temps des études. C'est comme des fois, je vais parler de l'Institut Tavistock, mais c'est totalement inconnu du public presque. Toutes ces études-là qu'ils ont fait.

Puis, c'est drôle, je ne l'ai pas vécu, mais moi, à mes yeux, c'est comme si c'était des mauvais souvenirs. Pourtant, je ne l'ai pas, mais c'est une vibration d'expérimental dur. Puis, aussi, ça me met en colère. Ça me met en colère, pourquoi? Parce que c'est l'époque où la CIA synthétisait du LSD, ils ont distribué ça dans les universités, c'est passé par des professeurs d'anthropologie. C'est dans les temps où ce qu'ils ont fait des expériences dégueulasses avec notamment le Théodore Kaczynski, le mathématicien qui est devenu fou, qui s'est coupé de la société, puis que c'est des choses qui me mettent très, très en colère. Très, très en colère. En plus, ça s'est poursuivi, là. Si on prend, par exemple, là, moi, une chose, j'en reviens pas, je comprends pas ça, parce que comment il s'appelle donc le gars, l'espèce de Suédois là, qui a passé sa vie en Australie? Oui, ils ont fait des dégâts. Il y a eu des expérimentations faites sur des gens dans les universités, puis sur des militaires, et puis oui, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, moi-même, j'ai été en tout cas. Ce qu'il y a à Montréal, là, il y a eu à un moment donné, je me suis fait payer un voyage à Montréal pour aller des neurologues, entre autres, là, parce supposément que j'ai des aptitudes. Et puis là, vous vous ramassez dans une pièce avec un miroir sans teint, là, puis là, c'est là qu'en plus c'est filmé. Puis il y a même une femme qui a fait une thèse sur moi, là, que mon nom n'est pas cité ni rien, là. Puis les vidéos étaient. Moi, ce que j'ai signé, ça disait que ça allait être détruit après. J'ai vu une vidéo de Sandra Vimont. Elle dit que quand BDM est décédé, que sa femme, elle a vu qu'ils sont venus chercher. BDM est décédé, ça vous dit quelque chose? Ils sont venus chercher quoi? Bernard, je pense qu'il était, une fois décédé, il a été gardé 3 jours, parce qu'il avait demandé ça, là. Il était gardé 3 jours. Mon père aussi, d'ailleurs, puis sa mère ont demandé ça. Moi-même, si je prends des dispositions, je vais être gardé 3 jours sans que mon corps, là, sans qu'il y ait rien. Puis non, ça me dit rien. Elle dit que quand BDM est décédé, que sa femme, elle a vu qu'ils sont venus chercher. Oui, ils sont venus fouiller dans ses papiers. Moi aussi, ça a tout le temps été une de mes craintes, mes notes, tout ce que j'ai noté au fil des années. Qu'à un moment donné, des gens veulent fouiller ça. Ça se pourrait. C'est même possible. Parce que c'est des archives intéressantes. C'est toujours intéressant. Ben même le père Régimbald, quand il est mort, sont allés fouiller supposément dans son appartement. Prenez juste Jacques Vergès quand il est décédé. Jacques Vergès, c'était un agent secret. C'était un personnage très spécial, Jacques Vergès. Ils ont dû aller dans ses bureaux à Paris. Puis il y a sûrement des paquets de documents qui ont disparu. Parce qu'en plus, il y avait des dossiers sur des gens. Mais est-ce que c'était gardé dans ses bureaux à Paris, là, où il y avait tous ces jeux d'échecs? Je ne sais pas. Mais quand même. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui soient venus fouiller dans la paperasserie de Bernard. Ça devait être intéressant, tout ce qui n'a pas été publié, puis il devait avoir des choses intéressantes là-dedans. En plus, Bernard, à un moment donné, il avait parlé que, à un moment donné, supposément que la CIA s'intéressait à Bernard, parce qu'il avait canalisé, oh, à telle place, il mouille un sous-marin, puis là, tout d'un coup, il y en a qui avaient. Comment vous avez dit le nom de personne? Le nom de personne, ben, je parlais entre autres, quand quelqu'un d'intéressant meurt, souvent il y a des fonctionnaires qui apparaissent, qui viennent fouiller. Oui, Jacques Vergès. Jacques Vergès, là, c'était pas juste un avocat il a disparu un bout de temps, puis on ne sait pas ce qu'il faisait, il était en mission. Est-ce possible de se souvenir du jour de sa propre naissance? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Tout est archivé. Donc, il y a certainement une possibilité de se mettre en résonance avec l'information, puis d'aller là. Il est possible de se souvenir de la vie de gens, d'autres personnes. Il est possible même de se souvenir du futur. La mémoire, c'est l'âme, donc c'est très mystérieux. C'est de l'information, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des gens qui ont des souvenirs qui ne ont même pas vécu, qui sont des souvenirs de d'autres personnes, puis après ils pensent qu'ils sont réincarnés, alors que la réincarnation, c'est